Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, Caprice de lecture se déplace aujourd'hui dans le sud-ouest de la France pour vous faire découvrir un petit écrin de lecture, mais aussi de loisirs dans la petite cabane, tenue depuis très peu de temps par Aïda. Aïda, première question, vous êtes basée dans la petite commune de Galgon, donc qui est en Gironde depuis quelques mois. Pourquoi donc avoir choisi pour la librairie ce nom, la petite cabane ? Alors pour moi, la petite cabane, ça montrait un lieu d'accueil. Parce que finalement, je me suis rendu compte en réfléchissant sur les projets pendant de longues mois, que ce n'était pas les livres, ce n'était pas les cafés, ce n'était pas les jeux qui, ouais, qui m'intéressaient, c'était l'accueil en fait. D'accord. Donc pour moi, c'était vraiment ça qui primait ce que je voulais mettre en avant. Et je me disais qu'avec la petite cabane, on pouvait autant toucher des adultes que des enfants. Parce, oui, qu'une cabane, quand on est petit, on adore ça, mais quand on est grand aussi. Oui. Et ça me permettait aussi une myriade d'activités et d'offres finalement, parce que tout rentre dans une cabane finalement. Ouais. Et en fait, ce qui explique aussi votre proposition de pâtisserie, je crois. Oui, voilà, ah, parce voilà, que finalement, c'est ça aussi. L'accueil, c'est on ne rentre pas et on répare aussitôt. Non, on rentre, ouais, et on se pose, hein, et on déguste, et on profite, et on papote, et on lit un livre, on l'achète ou pas, mais c'est vraiment l'accueil, en fait, ce qui m'était à cœur. Okay. C'est la cabane pour moi. En fait, pour vous, le livre, c'est plutôt le vecteur du lien, quelque part, en fait. C'est pas l'activité centrale, c'est vraiment ce qui va créer le lien entre vous, la petite cabane, et les personnes qui vont rentrer, ou même les personnes entre elles, du coup. C'est ça, oui, okay, oui, ça arrive, hein. Je vois les gens qui parlent entre eux, mais c'est super, dans le même ça, sens, les jeux, ouais, les ateliers que je fais, donc c'est vraiment toute excuse est bonne pour pouvoir se poser, papoter, mmh, et faire du lien. Ben, c'est vraiment super. Alors justement, ça va m'amener à ma deuxième question. Vous êtes basée dans l'ancien bureau de poste de la, oui, commune, qui fait à peu près 3000 habitants, si mes sources sont bonnes. Est-ce que pour vous, c'est un lieu symbolique ? Est-ce que c'est... Alors, vous avez répondu en partie, c'est un lieu de rencontre, mais la poste, quand on pense au poste, même d'il y a quelques 30 ou 35 ans, on pense à des lieux où les gens attendent, par exemple, pour téléphoner dans les cabines, pour acheter des timbres papier. Est-ce que pour vous, ça avait vraiment une valeur... Enfin, oui, il y avait une connotation symbolique, ou plutôt, c'est peut-être l'occasion aussi qui a fait que... Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, honnêtement, c'était l'occasion. Pour d'accord, moi, c'était ce qui primait dans la recherche du lieu, c'est la localisation. Ouais. Justement, qu'elle soit centrale, bien desservie, avec des parkings et un espace extérieur. Ouais. Parce que dans le sens de l'accueil, il y avait aussi le côté terrasse et jardin qui était important. Okay. Donc, c'était vraiment le fait que ces bâtiments soient disponibles à l'achat qui m'a fait choisir. D'accord. J'ai appris après que c'était la poste, donc du coup, il y a quand même pas mal d'histoires à l'intérieur. Ouais. Mais c'est surtout que la poste était bien au centre du village. Donc, je suis très bien placée. Ah, coup, c'est super. Et puis, moi, je pensais que la poste, c'était vraiment symbolique parce qu'à la poste, on y côtoyait quand les bureaux de poste étaient encore ouverts, bien sûr. Donc, comme dans les villages, par exemple, dans lesquels vous êtes, toutes sortes de gens, en fait. C'est pour exactement, ça que j'avais, ouais, vu le lien, mais en fait, c'est l'occasion. Et c'était, du coup, les hasards font bien les choses, parfois. J'avais une troisième question qui était un peu plus basée sur vous, alors Aïda. J'ai lu que vous étiez une ancienne professionnelle dans les télécoms. Alors pour vous, c'est un changement de carrière, c'est un virage complet. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez mûri depuis longtemps ? Comment on passe de professionnel des télécoms à la petite cabane ? Voilà. Ah. Alors on passe par un petit burn-out. Bien, ah compliqué. Bah tiens, voilà. Donc une remise en question, ouais, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là, et finalement je me suis posée, quelqu'un m'a posé la question, mais en fait, si tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta journée, en vrai? Ah ouais. Et c'était lire des livres et cuisiner des gâteaux. Ah, bon écoute, trouve un truc. Ah ouais. Et finalement, c'était ce que je disais tout à l'heure, mûrir le projet, donc ça c'est parti de là. C'est les deux choses que j'aimerais faire de mes journées. Okay. Et en travaillant avec ça, je me suis rendu compte que c'était encore une fois l'accueil, le lien. C'est le fait de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer des gens, de faire des liaisons entre les gens. Oui, ça c'est extraordinaire. Oui, je suis d'accord. J'aime beaucoup la partie sociale, j'aime bien. J'aime bien que les gens... C'était votre vraie nature profonde, en fait, hein, quelque part. Hein. Oui. ça. C'est quand les week-ends, j'invite des gens à la maison, on en est 15. Moi, je suis reboostée, je me couche, je suis contente, je suis heureuse. Ouais, c'est super. En fait, c'est l'accueil qui t'est fait vibrer, finalement. Ouais, puis ça s'entend à votre voix, vous aimez ça. Ça s'entend. Il n'y a pas besoin de vous voir, ça s'entend. On voit que vous aimez ça, parler avec les gens, les faire parler entre eux, leur faire découvrir des choses. Ça s'entend, c'est chouette. C'est une belle réalisation de rêve, du coup. Je trouve ça très joli. Coup, ça correspond assez bien, je suis contente. Alors, votre projet prend vie petit à petit, parce qu'évidemment, hein, je pense que ça ne prend pas de l'ampleur tout de suite. Ça fait quelques mois que vous êtes installée. Vous proposez plusieurs activités. Vous êtes passionnée, on le voit dans vos programmes d'activités, que ce soit à destination des enfants ou à destination des plus grands. J'ai vu là dernièrement, vous allez organiser une chasse aux œufs, c'est ça, hein, à la petite cabane. L'association des parents de village. D'accord. Donc, je fais partie. Donc, du coup, ok, c'est pour ça. On se voit l'agréable. Ok, eh ben c'est parfait. Et du coup, alors, j'ai vu que vous aviez quand même quelques articles de journaux fort élogieux. Moi, je trouve ça vraiment bien parce qu'en plus, vous parliez de boost, mais je trouve que ça booste encore plus d'avoir des retours comme ça quand on se donne du mal et qu'on le fait avec le cœur. Quels sont les plus beaux compliments qu'on peut vous faire jusqu'à maintenant? Alors, je ne sais pas si on peut parler de clients, du coup, parce qu'on parle de lieu de rencontre ou les personnes qui passent, on va dire. Voilà, on ne va pas parler de clients, mais plutôt les personnes qui passent, que ce soit les petits comme les grands. Est-ce que c'est un lieu qui était attendu? Est-ce qu'on vous propose des fois des choses différentes auxquelles peut-être vous n'aviez pas forcément pensé? Comment ça se passe un peu? Alors, le plus beau compliment pour la première question, c'est franchement ce que je ressens depuis un mois et demi, que je suis ouverte. C'est les enfants qui ne veulent pas partir. Ah, ça, c'est super. C'est le meilleur des succès. Ça, c'est top. Voilà, ça, c'est génial. Et quand on réussit à leur faire partir, il faut que les parents leur promettent qu'ils vont revenir. Ah ouais, bah alors là, c'est... C'est juste top. Vous avez tout gagné. Vous avez tout compris, tout gagné. Et là, vous êtes sur la bonne voie. C'est vraiment super. Franchement, parce que les parents, ils peuvent toujours dire « Oui, on aime bien, mais jamais plus revenir. » Mais les enfants, ils ne veulent pas partir. Ouais. Ils sont tellement contents d'être là que... Pour moi, ça veut dire, OK, il y a des choses qui se font bien. Après, il y a plein de trucs à améliorer. Mais bien sûr. S'il n'y avait plus rien à améliorer, ça voudrait dire que l'aventure serait déjà finie. Ce serait dommage. Ah oui. Non, il y a une belle liste. Ah, c'est super. Quels sont vos projets, tiens, pour 2023? Est-ce que vous avez des projets, alors je ne sais pas, hein, de portes ouvertes, de séances de dédicaces? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah oui, séance de dédicace, tout ce qui est auteur, ça serait chouette, je me suis pas encore penchée dessus, et comme on est tellement petit, vraiment, je suis au milieu de nulle part. Donc, ouais. Pas de nulle part, mais c'est pas bien grand. Ouais. Donc, je sais pas trop comment m'y prendre, mais moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est développer le côté adulte, parce que je sens qu'il, côté enfant, ça marche, il y a des ateliers tous les samedis, et il y a une belle adhérence des gens qui sont par là. Mais côté adulte, j'arrive pas trop parce qu'il faut des horaires particuliers ou peut-être des propositions particulières. Ouais. Et j'arrive pas. Donc il faut que je me penche dessus. Il faut travailler dessus. Pour faire venir les adultes aussi. Mais c'est déjà J'en ai des milliers. Avec l'école, j'aimerais faire un prix littéraire. Ah oui, là oui, vous avez plein de possibilités. C'est top. Des idées, j'en ai plein. Après, il faut trouver le temps. Bon, écoutez, c'est super. Je suis ravie d'avoir pu vous interviewer pour Radio Fadjet, donc qui est à l'autre bout de la France pour vous, dans le Grand Est, à Nancy. On ne manquera pas de diffuser cette très jolie interview. Moi, je vous souhaite tout le succès possible. On sent que vous êtes à fond dans votre truc, dans votre voix, dans plein de choses. C'est vraiment chouette. Et puis, peut-être à bientôt. Qui sait? Peut-être à bientôt. Voilà, merci beaucoup. Hein. Mais... Je vous invite un petit café. Ah, ce serait super. Franchement, je serais très contente de vous rencontrer. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à tout vite. Donc, peut-être dans les locaux de La Petite Cabane ou sinon, on peut vous retrouver sur Facebook. Hein. Vous avez une page Facebook, La Petite Cabane. Instagram, petite.cabane, oui. Ok, est-ce que... c'est bon, vous avez tout dit, c'est parfait. Eh bien, bon après-midi, à bientôt, Aïda. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.